C'est de l'argent mal placé que d'acheter une corne de rhinocéros. On n'aime que les chiens, alors on s'appelle pas nos noms de chiens. Les morsures d'hippopotame peuvent infliger des blessures profondes. On n'a jamais rencontré de lion du côté de la Porte Dorée. Elle a un corps énorme, des pattes un peu courtes, des yeux minuscules. Sa taille ne dépasse pas celle d'un gros cochon. Les darwinistes. Présenté par Modeste Girardin. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers auditeurs. Nous avons le plaisir de vous accueillir à nouveau ce soir dans notre émission De Rerum Natura, le rendez-vous des darwinistes et l'émission préférée des amoureux de la bioéthique fondamentale et appliquée. Remercions à nouveau l'amicale des amis de Pline l'Ancien qui coproduit cette émission avec toute la bienveillance et la chaleur humaine qui rendent cette institution si remarquable. Chèvres faméliques, bovins affamés, poulets sous-nourris, dans toutes les fermes et tous les enclos, on pleure une abondance perdue et on déplore un amaigrissement général des troupeaux. Que faire ? Devant l'inertie générale, un groupe de zoologues et d'éleveurs a été chercher à l'autre bout du monde la solution et à la crise de l'élevage français, le dugong. C'est en sa qualité de président de l'association pour un cheptel dodu que nous recevons M. Anatole Plessis-Marotto, à nouveau dans cette émission, qui par ailleurs est professeur de zootechnie à la Royal University of Portsmouth. Monsieur Plessis-Marotto, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Ah, merci à vous. Pour en débattre avec nous ce soir, nous accueillons Monsieur Pernod Pinet. Bonsoir. Auteur de The Macaque Fight Back, livre qu'on ne présente plus, vendu à des milliers d'exemplaires à travers le monde, traduit en 7 langues. Nous accueillons également Monsieur Frédéric Ratier, responsable du département Merger and Acquisition à l'Institut National de Recherche Agroalimentaire. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Une énième fois, nous accueillons Monsieur Valère de Kerle-Kennedec, qu'on ne présente plus non merci. Plus. Merci, je fais vraiment partie des vétérans de cette émission. Bien évidemment, vous êtes zoopolitologue et expert généticien. Enfin, pour la troisième fois maintenant, nous accueillons Monsieur Jason Bibosch, professeur émérite en salmonologie, PhD, à l'université de Madison, Michigan. Très heureux de répondre à ton invitation, Modeste. Monsieur Plessis-Marotto, nous vous écoutons. Oui, bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. C'est un grand plaisir. Oui, alors je vais vous développer un projet qui me tient beaucoup à cœur et qui peut être un des plus importants de mon existence en tant que chercheur. L'élevage français va mal, mes chers confrères. Nos fermiers et nos paysans peinent à nourrir leurs bestiaux. Les bêtes sont rachitiques, on leur compte les os. C'est intolérable. Mais il ne sera pas dit que les hommes de bien seront restés sans réagir. Et un collectif de zoologues et d'éleveurs s'est constitué pour faire face à la crise. Donc nous avons constitué l'association pour un cheptel dodu qui préconise l'introduction massive de dugong dans les eaux françaises comme un remède à l'amaigrissement des troupeaux. Et donc nous voulons saturer l'estuaire avec des dugongs. Pour les auditeurs, alors qu'ils ne seraient pas familiers avec les sirenidés, les dugongs sont des mammifères subaquatiques massifs et herbivores, des cousins du lamantin. Ils n'ont pas usurpé leur surnom de vache marine puisqu'ils mesurent entre 3 et 4 mètres de long et ils dépassent sans remords les 100 livres. Enfin, les 1000 livres, excusez-moi. Et donc, on les trouve pour l'instant sur le pourtour de l'océan Indien, le long des côtes indochinoises et pour les spécimens les plus intéressants, en Papouasie. Et je vous annonce l'exclusivité, leur arrivée prochaine dans l'estuaire de la Gironde. Alors évidemment, nous avons soumis notre projet aux autorités compétentes, départementales, régionales, ministère de l'Agriculture, et nous avons eu le déplaisir de rencontrer partout une opposition tenace. Cependant, nous ne céderons pas devant l'inertie des pouvoirs, nous ne lâcherons rien. Et c'est pourquoi nous donnerons un tour politique, et peut-être même militant, à l'intégration du dugong à la faune de nos régions. Nous organisons un événement d'ampleur mondiale, ce que nous allons appeler la longue marche des dugongs. Nous allons escorter 2500 dugongs qui viendront de Papouasie, le long des côtes de l'océan Indien, depuis la Papouasie, donc jusqu'au rift de la Gironde. Alors nous escorterons avec une quinzaine de marins papous, montés sur des zodiacs. Et donc en 8 mois de traversée, nous devrons arriver en Gironde. Donc c'est 8 mois de traversée que nous essaierons de médiatiser pour promouvoir le dugong. Et donc pour faire pression sur les autorités politiques. Alors voilà, donc nous partons dans 2 mois. Nous arriverons sans doute en août 2020 avec 2500 dugongs qui nous emmèneront peut-être le long des côtes du Médoc et de la Charente. Alors voilà, donc pour conclure mon intervention et pour laisser place au débat, je dirais de l'audace, des marins papous, des bovins aquatiques et un cheptel renfloué. Voilà, donc nous avons une petite formule pour conclure. Ding, dang, dong, gare du goat. Très bien, monsieur. Merci beaucoup. Alors, en premier, je voudrais laisser la parole à monsieur Jason Bibosch, qui, en fait, n'est pas invité par hasard dans cette émission, même s'il a déjà été accueilli avec nous. En fait, monsieur Bibosch a énormément travaillé sur la question des saumons atlantiques sur la Gironde, et qui remontent donc la Gironde et la Dordogne pour retrouver les lieux de ponte de leurs ancêtres, qui donc, bien évidemment, n'est pas est extrêmement compétent pour parler de faune dans cette région-là, de faune subaquatique. Et en effet, là, on parle quand même d'un vrai problème est-ce que les dugongs pourraient parasiter cet espace, éventuellement gêner les saumons. Oui, alors, c'est une... La question que vous posez est très importante et à ce titre, je suis très sensible à l'inquiétude de mon collègue Plessis Maroto. Plessis Maroto. Je suis très concerné par la zone géographique de la Gironde. J'ai moi-même aidé à développer des canons pour accélérer la remontée du salmon jusqu'à leur lieu de ponte, et j'en parle dans mon livre Rocketfish. toutefois, c'est vrai que l'arrivée du dugong pose un certain nombre de problèmes, notamment un embouteillage. Il se trouve, j'ai la petite anecdote, nous avions mis une puce dans un saumon qui venait de Groenland. Et nous avons réalisé un saumon américain. Nous avons réalisé que le saumon s'était retrouvé dans l'estuaire de la Gironde et nous l'avons retrouvé dans un dugong. Un dugong français. Et ça pose énormément, évidemment, les problèmes. L'ambassade a tout de suite réagi très vite et nous sommes très contents d'être proche d'eux, mais ça posait tout un tas de questions. Pourquoi le dugong avait avalé ce poisson américain? Et oui, je crois que dans l'estuaire de la Gironde, il va falloir légiférer quand nous allons faire remonter tous ces saumons qui les catapulter. Et puis peut-être, toujours selon la logique américaine, « think bigger », peut-être créer des canons à lamantin, peut-être, ou des canons à dugong, des plus gros calibres. Il existe des gros calibres pour les armes, pourquoi pas pour les animaux. Un 35 mm, peut-être l'équivalent d'un canon à dugong, propulser le dugong à hauteur de l'estuaire. Donc voilà, c'est très, très simplement ma pensée. Très bien, très intéressant. Valère, répondre peut-être sur l'intervention de notre ami américain. Je vous écoute. Oui, alors effectivement, nous avons eu le malheur en fait d'avoir un... Bon, c'était un accident. Hein. Nous avions introduit des dugongs à titre expérimental, à côté du port de Pauillac. Et effectivement, il s'est trouvé qu'un dugong avait avalé malencontreusement un saumon américain. Effectivement, c'est regrettable, mais je pense que ce n'est pas avoué à se reproduire. On parle d'un cas isolé, en effet. Mais oui, et puis les dugongs papous sont particulièrement tendres. Des bestiaux dociles. Je peux me permettre, la technologie de l'opus qui était dans le saumon va être très très chère. C'est regrettable. Mais c'est un problème géopolitique, en fait, assez rapidement. Alors voilà, donc précisément, j'aimerais introduire Valère, habitué de l'émission, qui aujourd'hui intervient plus... en tant que zoopolitologue, plutôt qu'en tant que généticien, même si, bien évidemment, s'il veut créer des ponts, il est le bienvenu. La parole est libre sur cette antenne. Toutefois, en effet, des problèmes éventuellement zoopolitiques qui peuvent se créer entre l'Asie et la France par rapport à cette réintroduction des dugongs peuvent intéresser nos auditeurs. Nous vous écoutons, monsieur. Oui, c'est-à-dire que là, il s'agit d'introduire en milieu français des bêtes papous. Donc, bon, ça, c'est pourquoi pas... La France et la Papouasie ont eu des liens profonds qui ne sont pas totalement rompus. Ouais. Pas vraiment. Et c'est donc cette introduction en France métropolitaine de dugong, une expérience qui a le mérite d'être intéressante, qui pourrait très bien fonctionner. Enfin, je ne vois pas pourquoi elle ne fonctionnerait pas d'ailleurs. Même, je pourrais même avancer que l'estuaire de la Gironde est sûrement un milieu beaucoup plus accueillant que les hommes de non-droit. Je ne sais pas s'il est accueillant, il est accueillant en tout cas. Oui. Il est accueillant. Il est accueillant. Les deux. Les deux en même temps. Ce n'est pas compris. Il s'agit d'un. It was a bad pun. Ah, all right. Et alors. Je disais, donc le problème c'est qu'on va mélanger toutes sortes de nationalités dans, au sein de l'estuaire de la Gironde. L'estuaire de la Gironde qui est un endroit qui est un peu comme la tour Eiffel pour les animaux. C'est l'endroit où on vient en villégiature quand on est saumon, quand on est perche. Et bientôt quand on est dugong. Et bientôt quand on sera dugong. Mais alors, en fait, ce que vous proposez, c'est tout de même de faire venir par quart entier des touristes dans un endroit qui est déjà assez saturé. Non, là, s'il ne s'agit pas de touristes, puisqu'ils auront vocation à rester. Oui, bon, en fait, vous voulez en quelque sorte remplacer la faune locale par quelque chose de plus productif. Bon, ajoutez. Alors, quelles mesures compensatoires prendrez-vous? Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que probablement détriment de saumon. Non, il s'agira, nous allons créer, parce que l'espace sera saturé de dugong. En revanche, nous allons créer des canaux de navigation entre les zones dugong, qui seront libres de dugong, et donc les saumons et les autres espèces pourront évoluer librement dans ces canaux. Est-ce que la quantité de dugong permettra de marcher sur l'eau? Le coton, alors, nous avons le chiffre de 5 dugong par hectolitre. Ah oui, c'est très très ambitieux en fait, parce que... C'est vraiment, on parle de surpopulation là, hein, 5 dugongs par... Dans les zones de canaux qui seront ouvertes à la circulation. Et donc, on sera à 0 dugong par hectolitre dans ces zones-là. Voilà. Mais en fait, vous proposez de faire un élevage intensif en milieu à queue. Et en milieu à queue ouvert, donc c'est-à-dire le moindre problème vaut dugong, ça part un peu partout à la flotte, jusqu'aux Caraïbes en fait. On va retrouver les dugongs dans les circuits de refroidissement, les centrales nucléaires. Non. Là, effectivement, mon éminent confrère soulève un problème, c'est-à-dire, effectivement, la saturation des dugongs pourrait-elle créer donc, des problèmes pour les espèces endogènes? Je ne pense pas, puisque nous allons donc créer ces canaux de circulation qui leur permettront d'évoluer dans l'estuaire, comme elles l'ont toujours fait. Alors, en ce qui concerne la sécurité des installations nucléaires, alors, je pense effectivement à la centrale de Blaye. Effectivement, nous allons créer un périmètre de sécurité qui sera libre de dugongs. Mais comment? Eh bien, nous mettrons des bouées avec toutes sortes de filets électriques qui permettront d'éloigner les dugongs puisqu'ils prendront des charges de 500 mégavolts. Laissons maintenant parler M. Frédéric Ratier. Donc, il va nous parler un petit peu plus recherche agronomique, éventuellement exploitation du dugong à des fins un peu plus pratiques et terre à terre. Oui. Donc moi, je travaille avec l'INRA. Donc, je suis au département Merge and Acquisition et aussi je suis au CA. Donc, toutes les questions dans la Gironde, tout ça, là, les poissons, les algues et tout ça. Bon, ça c'est pas trop mon univers. Moi, je voulais juste revenir sur donc le projet du gong, parce qu'on a supervisé le dossier avec le CA. Le projet du gong, oui. Justement, votre projet, monsieur Plessis Marotan. Donc, c'était pour dire que nous, sur ce projet-là, on avait travaillé avec l'INRA pour la constitution du dossier pour les institutions nationales européennes. Et qu'on avait déjà réussi à avoir les accords avec les FNSEA pour la formation d'agriculteurs, d'éleveurs spécialisés en dugong. Ouais, ça c'est super. Et puis aussi, on avait déjà commencé sur la question de la transformation de la viande de lamantin et de dugong. On a des premiers accords avec le fleuron de l'agroalimentaire français, que ce soit Herta, Fleury Michon ou Charal, Marc Repère. Qui sont prêts à se lancer dans l'aventure de la charcuterie de dugong, le saucisson de dugong. Ça, c'est super. Donc, on va pouvoir la nourrir, cette planète. C'est moi qui vous le dis. Et on a déjà les accords avec des acteurs étrangers. Yamaha, Kawasaki, pour les nouvelles usines de transformation, pour les abattoirs. Mais je vois qu'il y a énormément de bonne volonté de la part de l'INRA, ça c'est sûr. Le seul problème, c'est les institutions européennes. Oui, le problème, c'est le pouvoir politique. Le problème, c'est que ça bloque au niveau du conseil départemental, ça bloque au niveau du conseil régional, personne ne veut du dugong. Et donc, c'est pour ça qu'on organise la longue marche. Le dugong est un péril. Le dugong représente un péril, je pense. Mais c'est pas un péril, monsieur, c'est l'avenir, le dugong. Le dugong, vous croyez qu'on va devoir manger de la vache jusqu'à la fin? Je n'en suis pas sûr, monsieur. Pardon? Moi, je suis vraiment très sceptique. Moi, je... Vous êtes en train de le moquer sans accent. Je prends, laissez-moi un peu m'exprimer, s'il vous plaît. Ce n'est pas très... aux États-Unis, on ferait je suis scandalisé. Moi, je viens apporter des bonnes nouvelles. Je viens apporter les réponses à vos questions. C'est vrai que monsieur vient... Mais c'est scandaleux. Laissez-moi intervenir. Je suis un peu sceptique. Je suis un peu sceptique. C'est insupportable. Je pourrais pas tolérer cette situation plus longtemps. S'il vous plaît, un petit peu dans ce débat. Quant à l'introduction, sceptique donc. Quant à l'introduction du Dugo. Non, mais moi, je peux pas continuer comme ça. Monsieur, restez. Restez, est-ce que vous me laisserez la parole? Je vous laisse la parole. Oui, merci. Et s'il vous plaît, je parle à tous les invités de cette émission. Vous avez un comportement, inacceptable. Écoutez. Je suis désolé, on peut me laisser parler sur ce business. Laissez finir, monsieur Ratier. Il a beaucoup de choses à nous dire sur la consommation du dugong. Pour moi, c'est très bien. Laissons maintenant. Monsieur Pernopinet, je vous remercie, Modeste. Simplement, je voulais dire que j'étais sceptique, donc, quant à l'introduction du dugong dans le golfe de la Gironde, parce que moi, pour avoir fait mon terrain... C'est bien vrai, oui. Pour avoir... Bon, oui. Si, c'est l'estuaire, hein. C'est bien l'estuaire, je connais ma géographie, désolé. Je suis un peu sceptique parce que j'ai fait mon terrain au Moluques, hein, donc c'est pas si loin de la Papouasie. Au Moluques, il y a pas mal de petits producteurs de coco, hein, je reviens là-dessus. Toujours la coco. Oui, sauf que là... toujours, on parle toujours de la coco. J'ai vu notamment sur les productions un peu littorales, des dugongs manger des macaques. Les dugongs, certains dugongs. Alors, c'est pas vrai. C'est arrivé il y a 5 cas. Vérité, les Moluques, mais pas généralité. C'est-à-dire que les Moluques, c'est pas un grand archipel. S'il vous plaît. Simplement, laissez-moi finir. Les Moluques sont pas des îles immenses non plus. Il n'y a pas énormément non plus de production, de producteurs de coco sur les Moluques. Et pourtant, 5 agressions simplement en 2018. Véridique. Si on introduit les dugongs dans l'estuaire de la Gironde, j'ai bien peur qu'ils commencent à essayer de faire les vendanges à la place des viticulteurs. Et là, ça peut être un vrai problème pour l'économie locale, parce que la Gironde, elle ne survit pas grâce aux dugongs, grâce à son estuaire. Elle est économiquement valorisée par ses. Il faut penser que les dugongs vont venir manger. Le problème, c'est les raisins sur les vignes des villes. Le problème, c'est le statut de l'introduction des marins papous. Non, c'est pas le statut des... Non, le problème... Non, c'est pas ça, le problème, c'est les zodiacs qui, sur lesquels vont être acheminés les papous. Pour moi, pose un problème... Ça, c'est vrai que c'est pas très rentable. On pourrait compter sur des canaux de sauvetage. Non. Nous avons une quinzaine de marins papous, c'est 5 zodiacs. 15 marins papous, donc un zodiac par... Non, 3 zodiacs avec 5 marins papous dessus. Nous circulons sur une petite frégate. Et combien donc 3 marins papous et c'est combien, déjà beaucoup trop. Combien de dugongs par zodiac? 2500 dugongs. En tout, 2500 en tout. Mais laissez-moi rire, 2500. 2500 dugongs. Vous vous étonnez que le conseil régional... Oui, c'est allongé la longue marche des dugongs. 2500 dugongs par zodiac, ça fait... Non, pas par zodiac. Nous avons 2500 dugongs en totalité. En tout? Oui. Acheminé, donc avec 15 marins papous. C'est vraiment des considérations techniques. Votre zodiac, je comprends pas comment vous pouvez mettre 2500 dugongs, c'est quand même de grosses bêtes. Mais non, les dugongs, ils sont dans la Est-ce que vous n'avez pas un système de filet, tractofilet? Oui, exactement. C'est comme les chaluchets sur les zodiacs. Voilà, exactement, c'est très simple. Il vous faut des gros filets. Il n'aura jamais la puissance. Mais si. Imaginez une moyenne de 80-90 dugongs par zodiac. Un film les retiendrait pas. Certainement pas. Laissez-moi développer. C'est très simple. Les 2500 dugongs voyagent en troupeau. Ils sont entourés par des marins papous. qui sont tout à fait compétents. Vous avez dressé leur mal alpha, en quelque sorte. Moi, je pense que ce sont des animaux dociles, ce sont des animaux... Ils ne feraient pas de mal à une mouche, ils ont avalé un saumon, peut-être. Je pense que quand il y a un zodiaque et 2500 dugongs, le tracté n'est pas celui qu'on pense. Le tracté et le zodiaque. Il y a 2500 dugongs à pleine balle. Vous savez, je vous rejoins totalement. Il faudrait utiliser le dugong comme une sorte de propulseur. Et tout à fait, on pourrait s'en servir. On parlerait pas de chevaux, mais de dugong, un moteur de dugong. Ça peut être intéressant. Nous parlions en chevaux, nous pourrions parler maintenant en dugong. Oui, tout à fait, voilà. Là où je vais. Mais voilà, c'est ça que nous voulions susciter avec la longue marche des dugongs. C'est-à-dire que nous voulions susciter une émulation au niveau du dugong, avec l'utilisation du dugong. Nous pourrions faire tirer les pétroliers par des dugongs. Et là, dans ce cas, nous créerions quelque chose de tout à fait nouveau, c'est-à-dire des super tankers, du pétrole low-tech, du pétrole écologique, au moins dans sa façon d'être acheminé. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi ne pas rêver à plus grand, si vous me le permettez? C'est ce que j'allais dire. Les ferries, les Corsica ferries, les ferries dugong, pensez plus grand, peut-être. Pensez dugong. Le dugong, en tout cas, dans l'acceptation de notre ami Plessis Marotto, semble tout de même être un animal destiné à l'élevage. Mais alors, la question que je me pose, c'est plutôt que 2500 dugongs, pourquoi pas imaginer 500 dugongs, mais pas des dugongs naturels de Papouasie, des dugongs augmentés, des dugongs auxquels nous aurions touché au système génétique pour qu'ils soient énormes. Et alors, à ce compte-là, vous auriez des dugongs de la taille d'une baleine que vous pourriez élever non plus à l'intérieur de l'estuaire où là, ça pose plein de questions et plein de problèmes. Vous ne pouvez pas saturer l'estuaire avec des dugongs qui font la taille de baleine. Laissez-moi terminer. Nous pourrions tout à fait élever des dugongs sur les zones économiques exclusives de la France. S'ils ont la taille d'une baleine, imaginez. Bon, vous élevez vos dugongs. Vous avez 500 dugongs au large des côtes françaises. Ils sont protégés par des zodiacs, bien sûr, mais aussi, pourquoi pas, un porte-avions spécialement conçu pour ça. On pourrait demander un partenariat avec Erta, avec Nestlé, pour créer le porte-avions qui surveillerait les dugongs. Puis, quand on a besoin de viande, on achemine un dugong dans l'estuaire de la Gironde, et là, on le dépèce. D'accord pour la Gironde, pas pour la loi. Écoutez, voilà, très bien. Laissons Monsieur Plessis Marotto conclure ce débat. Alors voilà, donc, comme dans 2 mois, nous commençons la longue marche de dugong. Je serais très content que sur l'émission Les Darwinistes, la longue marche soit suivie. Et donc je serai en liaison radio et je pourrais faire sans doute certaines interventions et je serais très content si à Modeste vous me permettiez d'intervenir pour suivre l'actualité de la longue marche des dugongs au fil des émissions. Ce serait avec un immense plaisir. Merci à tous. Je suis ravi des débats qui ont eu lieu durant cette émission. C'est vraiment la raison d'être de cette émission. On part sur un propos engagé, un débat parfois houleux, pour arriver ensuite à un consensus qui pousse les limites presque du possible un petit peu plus loin. Encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette émission. C'était De Rerum Natura, le rendez-vous des darwinistes. Une émission présentée par Modeste Girardin. Oui. À la technique, Kevin de Souza. Bravo. À la réalisation, Joachim Planchard. Merci beaucoup, Kevin. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, Modeste. Au revoir.